السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Donc l'obligation ou le devoir pour chaque musulman de suivre la voie des pieux prédécesseurs. Les pieux prédécesseurs qui sont as-salafu as-salih. Pour quelle raison? La grande raison et l'unique raison, c'est que c'est l'islam authentique qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé à son prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. C'est l'islam qu'on retrouve dans le Coran et la sunnah du prophète alayhi salatu wa salam. C'est l'islam appliqué par le prophète alayhi salatu wa salam, appliqué par ses compagnons radiyallahu anhum et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Beaucoup de ulama ont écrit à ce sujet depuis les premières époques, de l'époque des salaf jusqu'à nos jours. De nos jours, on a le grand savant, le cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani alayhi rahmatullah, qui avait fait une grande conférence en l'an 1410 de l'Hégire, 1990, à Jeddah. C'était lors de son dernier pèlerinage, rahimahullah. Il avait fait une grande conférence qui s'appelait « Usul al-Da'wat al-Salafiyya », les fondements, les bases du prêche salafi, où il résume ce sujet dedans. De même que d'autres savants ont écrit à ce sujet, parmi lesquels Cheikh Salih al-Fawzan, Cheikh Rabi' al-Madkhali, Cheikh Zayd ibn Hadi, Cheikh Ubaid al-Jabiri, Cheikh Farkous, Cheikh Mohamed Bazmoul, Cheikh Abdullah al-Bukhari, Cheikh Abdullah ibn Salfiq al-Zafiri, Hafizahumullahu ta'ala jami'an. Ils ont des ouvrages à ce sujet concernant la salafia, l'appartenance à la salafia, l'obligation de suivre cette voie qui est la seule voie agréée d'Allah, Azza wa Jal. Parmi ces écrits, on a un écrit de Cheikh Mohamed Ali Farkous, le grand savant et le Cheikh algérien, Hafizahullahu ta'ala, qui nous parle de l'origine même du terme salafia. Et il nous dit, حفظه الله تعالى, المسلمون الأولون كانوا على الإسلام الصحيح قولا وعملا وسلوكا وأخلاقا لم يدب فيهم الخلاف العقدي والطائفي. Donc les musulmans dans les premières époques, à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام et de ses compagnons, ils étaient sur l'islam authentique, que ce soit dans la parole ou dans les actes, dans le comportement et dans les mœurs. Et il n'y avait pas de divergence dogmatique, il n'y avait pas plusieurs tendances à ce moment-là. لِذَلِكَ سُمُّ بِالْمُسْلِمِينَ تَمْيِيزًا لَهُمْ عَنْ أَصْحَابِ الْمِلَلِ الْأُخْرَى مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ وَالصَّابِئَ وَالْمُشْرِكِينَ. C'est pour cela qu'ils n'avaient comme nom que musulmans. Ils étaient les musulmans les soumis pour se distinguer des gens des autres religions, des autres tendances et des autres doctrines, parmi lesquelles les juifs, les chrétiens, les sabéens, les associateurs polythéistes et bien d'autres. فَكَانَ مَعْنَ قَوْلُهُ تَعَالَى هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ. Et de là, on comprend la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui vous a appelé les musulmans, les soumis, auparavant. يَنْطَبِقُ عَلَيْهِمْ إِسْمًا وَمُسَمَّا. Donc, il portait bien ce nom-là. C'était un nom qui était bien porté, car il le méritait et il l'appliquait. Puis, le cheikh dit un peu plus loin, لكن بعد ظهور الاختلافات العقدية والانحرافات السلوكية بين عموم المسلمين تمخض عنها وجود فرق مختلفة وطوائف عقدية متناحرة من الخوارج والشيعة والقدرية والجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم كل منها تدعي الحق وأنها على الهدى والسير على نهج الكتاب والسنة وترمي غيرها بالزيغ والضلال والانحراف عن سواء السبيل. Mais après les cette génération, on sont arrivés des générations auprès desquelles est apparue les divergences dans le domaine du dogme, de la croyance, et ils ont dévié dans le domaine du comportement et des règles religieuses. Et chacune de ces sectes qui sont nées, parmi lesquelles les Khawarij, les Shia, les Qadariya, les Jahmiya, les Mu'tazila, les Ash'ariya, les Murji'a, et plein d'autres sectes qui sont arrivées, et bien d'autres, chacune prétendait être sur le vrai, être sur la vérité, être sur la guidée, être sur le chemin du livre et de la sunna, et chacune a décrété, a taxé l'autre de l'égarement et de la déviation du droit chemin. Alors qu'en réalité, chacune n'appliquait pas ce qui était demandé dans le livre et la sunna, était loin d'être dans la droiture ferme du livre de la sunna, mais elle déviait clairement de cela. تفتقر إلى الاتصاف بالوصف الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا أمته عن حال هذه الفرق. Et le prophète عليه الصلاة والسلام nous a bien parlé de cette division qu'il va y avoir dans la communauté, et il va nous dire quels sont les aspects, la situation du groupe qui sera dans le droit chemin. Lorsqu'il dit عليه الصلاة والسلام تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قالوا وما تلك قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Donc ça c'est le hadith dans lequel le prophète عليه الصلاة والسلام nous parle que de l'époque des juifs ils se sont divisés en 71 groupes, à l'époque des chrétiens en 72, et que la communauté musulmane, au sein de la nation musulmane, ils vont se diviser en 73 groupes. Ils iront tous dans le feu, ils sont tous voués au feu de l'enfer, ils méritent tous le feu de l'enfer, sauf une seule. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné, il répondit, c'est ceux qui sont sur le même chemin que moi, ainsi que mes compagnons. Donc on voit bien que le prophète alayhi wa sallam donne cette distinction de ceux qui sont sur le droit chemin, ceux qui sont sur le chemin agréé et dont Allah tabaraka wa ta'ala accepte, ce sont ceux qui sont sur le même chemin que le prophète alayhi salatu wa salam, ainsi que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. C'est-à-dire que tous les autres groupes vont dévier sur ce sujet, donc ils ne seront pas complètement dans la droiture, quelle qu'en soit leur prétention. Bien que par-ci, par-là, on entend des gens vouloir remettre en doute ce hadith. Ce hadith, chez les grands savants du hadith, il est authentique, il est reconnu. C'est clair qu'il a été rapporté par plusieurs chaînes de narration, mais c'est un hadith qui est bon et authentique, authentifié par des ulama du hadith depuis les premières époques jusqu'à nos jours. Et les ulama de la sunna, lorsqu'ils parlent de la voie à suivre lorsqu'il parle des fondements de la sunna, il parle et il rapporte ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, contrairement à ce qu'on entend de la part, d'abord il n'y a rien d'étonnant venant de leur part, des sectes égarées comme les frères musulmans et leurs représentants qui sont ici en France, comme Hassan et Hussein, ou bien d'autres qui viennent maintenant nous parler que ce hadith il est faible, ou que ce hadith c'est la cause, hein, de la cause de la division dans la communauté musulmane, ils se trompent. Hein, on ouvre nos yeux, on voit très bien que la communauté n'est pas unie. On voit très bien que tout le monde ne suit pas le même chemin. Et il y a ceux qui suivent le droit chemin, et il y en a plein qui ne suivent pas le droit chemin. Et le hadith, il est authentique chez les ulama du hadith. Rahimahumullah wa hafizallah al-ahya minhum. Et puis aussi, le prophète alayhi salatu wassalam nous parle qu'il restera toujours, à toute époque, un groupe de sa communauté, une partie de sa communauté qui sera sur le droit chemin. Lorsqu'il dit alayhi salatu wassalam, « La yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah, la yadurruhum man khadalahum, wa la man khalafahum, hatta ya'tiyahum amrullah, wa hum ala zalik. » Donc dans ce hadith où le prophète Hassan dit, il restera toujours dans ma nation un groupe de ma communauté qui resteront droits, qui suivront les ordres d'Allah Azza wa Jal, ne leur seront d'aucune nuisance ceux qui vont les contredire ou ceux qui vont vouloir les contrer ou ceux qui les contredisent jusqu'à que l'heure vienne à sonner et ils resteront ainsi dans le droit chemin et dans la droiture. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous précise aussi que les meilleurs des générations, ce sont sa génération et les deux générations qui viennent après la sienne, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit « Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum ». Les meilleurs des hommes sont ceux de ma génération, puis celle qui vient après, puis celle qui vient après, celle-ci, et c'est l'époque et la période qu'on appelle de As-Salafu, As-Salih, des pieux prédécesseurs. Je vais m'arrêter là, Inch'Allah, car je ne peux pas rester plus longtemps. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et Inch'Allah ta'ala, nous aurons d'autres rendez-vous pour terminer et continuer ce grand sujet important. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.